Je t'aime, ma chérie, si tu savais, ma chérie, je t'aime, ma chérie, si tu savais, ma chérie, je t'aime, ma chérie, je t'aime, ma chérie, si tu savais, je m'ennuie, je t'aime, ma chérie, si tu savais, ma chérie, je t'aime, ma chérie, si tu savais, je m'ennuie, je t'aime, ma chérie, si tu savais, ma chérie, tu me manques, ma chérie, si tu savais, ma chérie. Je t'aime, ma chérie, tu me manques, je m'ennuie. Je t'aime, ma chérie, si tu savais, ma chérie. Je t'aime, ma chérie, si tu savais, je m'ennuie. Je t'aime, ma chérie, si tu savais, je m'ennuie. Je t'aime, ma chérie, tu me manques, je m'ennuie. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Je t'aime.